Bell. Vous désirez devenir membre du 89.1? Allez sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton « Devenir membre ». Pour seulement 25 $, participez au développement culturel de votre radio favorite. Votre carte est valide un an, peu importe la date d'achat. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, ben, comme à l'habitude, on ne changera pas une formule gagnante. Je vous fais passer de la musique qui est en téléchargement gratuit. Donc, vous avez juste à vous rendre sur la page de l'émission, puis vous allez retrouver la playlist et vous allez pouvoir télécharger tout ce que vous entendez de façon gratuite. Gratuite et légale, c'est important de le préciser. Donc, on va débuter cette semaine avec un artiste de la Bulgarie. Il s'agit de Soul Slept. Je vous fais entendre sa pièce Nocturnal. C'est publié sur Dusted Wax Kingdom. Ensuite de ça, sur l'étiquette israélienne Birdsong Net Label, je vous fais entendre Automassage. C'est la pièce Get in the Ring. Vous allez voir, vraiment spécial Automassage. Je vous invite à télécharger leur album. C'est vraiment excellent. Donc, ben c'est ça. Sans plus attendre, on débute with music avec Soul Slep et sa pièce Nocturnal. C'était la pièce Get in the Ring par le groupe Automassage. C'était tiré de leur album Saxophone EP, donc publié sur l'excellente étiquette israélienne Birdsong Net Label. Avant ça, bien, on avait débuté Web Music avec Soul Slept et sa pièce Nocturnal, publiée donc sur l'excellente étiquette Dusted Wax Kingdom. Pour la suite de l'émission, je vous invite à écouter une pièce publiée sur Deep in Dub Net Label. C'est une étiquette italienne qui se spécialise dans le techno dub. Donc, on va entendre un artiste de la ville de Saint-Pétersbourg en Russie, c'est Brickman. Je vous fais entendre la pièce Spectral Dub. Ensuite de ça, sur l'étiquette italienne Stato Dici, je vous fais entendre I Neurologici avec la pièce Chaka Dub. Vous allez voir, vraiment excellent. I Neurologici, ici un groupe qui nous vient de la ville de Rome en Italie. Donc pour tout de suite à Web Music, on écoute Brickman. We'll be right back. CKRL. The bus was late and forced us all to congregate. 27 strangers made to stand and wait. 89.1. So that's why I'm late, my dearest one. What can I say? Tomorrow it could be the same when I do it all again. Québec. Bienvenue au bulletin nouvelle du 15 juin 1997. Après des années d'attente, la microbrasserie La Barberie ouvre enfin ses portes dans la capitale de Québec et prévoit mettre en vente la bière La Sincère dès aujourd'hui au Bal du Lézard. Voici les sports avec Mike Marcoux. Tiger Woods devient le numéro 1 mondial après seulement 42 semaines chez les professionnels. Il est bien évident que le jeune homme ne s'intéresse qu'au golf. Alors, mesdames, inutile de rêver. C'était Mike Marcoux en direct d'Ouest. Merci, Mike Marcoux. Nous vous avons présenté le radiojournal de ce 15 juin 1997. Bonsoir. La Barberie à 15 ans, maintenant. Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Il y aura toujours du monde qui diront jamais que c'est beau ce que vous faites, qui répondront pas à vos courriels, qui vous parleront même pas de votre nouveau chandail. Pourtant, ce monde-là, il vous parle de ce qu'ils ont acheté, de leurs enfants, d'eux autres, avec du détail, comme si ça vous intéressait. De façon générale, le monde y écoute pas, il parle. Il vous donne plein de raisons de rester silencieux. Vous cherchez une porte de sortie pour filer en douce avec des gens qui vous ressemblent? Écoutez L'Opineur du Chef avec Denis Barry tous les jeudis soirs de 20h à 22h à CKRL, la radio qui s'intéresse à vous. Vous désirez devenir membre du 89.1? Allez sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton « Devenir membre ». Pour seulement 25$, participez au développement culturel de votre radio favorite. Votre carte est valide un an, peu importe la date d'achat. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Et non, on n'a pas changé d'animateur durant la pause. Donc, c'est ça, avant cette pause-là, c'était... excusez-moi, je me cherche un peu. Oui, c'est ça, c'était iNeurologici, un groupe italien. Je vous entends la pièce Chaka Dub. C'était publié sous l'étiquette Stato Deschi. Pour la suite, je vous propose une pièce assez intéressante. C'est un cover de la pièce Barbie Girl de l'affreux groupe Aqua. Mais c'est Dudley Moore, excusez-moi, Dudley White Mud plutôt, qui fait ce cover-là, qui a réussi à rendre une pièce totalement insignifiante, tant soit peu intéressante. Donc vous allez voir, assez surprenant. C'est publié sur l'étiquette Happy Poppy Records. Ensuite de ça, tout de suite après cette pièce-là, publiée sur 555 Records, c'est les Lucky Dragons. Je vais vous faire entendre la pièce Mercy. Donc, pour tout de suite, attachez-vous, c'est Dudley White Mud. I'm a blonde little girl in your fantasy world. Dress me up, make it tight, I'm your dolly. You're my doll, rock and roll. Feel the glamour and pain. Kiss me here, touch me there, hanky panky. You can touch, you can play. It's fantastic. is your creation. Make me walk, make me talk, do whatever you please. I can act like a star, I can beg on my knees. Come jump in, be my friend, let us do it again. Hit the town, and the vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. Et non, le disque n'était pas brisé, c'était Lucky Dragons avec leur pièce Mercy, publiée sur 555 Records. Avant ça, c'était Dudley White Mud avec un excellent cover de la pièce Barbie Girl de Aqua, donc publiée ça sur Happy Poppy Records. Pour la suite, je vais vous faire entendre un artiste qui est publié sur Dystopiac. C'est un artiste de la Sibérie. Je vais essayer de vous lire son nom. C'est Itrosplenteni. On va laisser ça comme ça. Donc, je vais vous faire entendre sa pièce « Our Antennas Run Into the Sky ». Vous allez voir, vraiment, vraiment, mais vraiment bon. Ensuite de ça, sur Mix Galaxy Records, je vous fais entendre « Herr Bubenschkoltz ». C'est la pièce « 240486 ». Vous allez voir, ça aussi, très excellent. Donc, c'est ça. On part ça tout de suite. Thank you. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL. C'était la pièce la pièce 24/04/86 par Bubenstolz. C'est un artiste russe, je crois. C'est publié sur l'étiquette Mix Galaxy Records. Avant ça, c'était Itro Spleteni avec la pièce Our Antennas Run Into the Sky, publié sur l'excellente étiquette Dystopiac. Pour la suite de l'émission, on va entendre une pièce qui a été publiée sur le netlabel Enough Records. Il y a énormément de matériel à télécharger de façon gratuite sur Enough Records. Ça va à peu près dans tous les styles possibles et imaginables, donc c'est certain que vous allez trouver quelque chose d'intéressant sur Enough Records. Je vous propose une pièce donc d'un artiste qui vient de Rio de Janeiro au Brésil, c'est Agony des Aline. Je vous fais entendre la pièce There's Hope Between Me and You. Ensuite de ça, toujours donc sur Enough Records, mais cette fois-ci un artiste de Buenos Aires en Argentine, c'est Desata Viendos. La pièce s'intitule Sera. Donc on écoute ces deux pièces-là à Web Music. Thank you.